Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, l'armée française, des rues de Paris au désert du Sahara, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste ancien engagé et l'envie de dire que la raison d'être du soldat, c'est la guerre, la défense du territoire, la violence et donner la mort ou être tué. Il y a aussi le souci de redorer les blasons et de comprendre ce qui pousse à s'engager. Patriotisme, désir d'aventure, envie de prendre sa mesure, mais toujours le poids du réel une fois sur le terrain. Et enfin, ces conflits dématérialisés où ces porte-avions conjuguent prouesse technique et une guerre à distance qui dématérialise la mise à mort. Alors pour commencer, les personnages. Un pâtissier et son flan coco, un capitaine, un maître de pont, 2000 marins fiers d'être là, des pilotes au taquet, un lieutenant cuisinier pour améliorer l'ordinaire et un kiné pour détendre les muscles de cette ville flottante tendue vers le même objectif. Ensuite, le décor. Des escaliers et des coursives étroites, le bruit des machines, le catapultage, un porte-avions comme une ville, un hôpital, des lynx, des hawkeyes, des rafales, la passion de l'aéronautique, l'exaltation et le sens du collectif, et si loin qu'on l'oublie presque, la guerre. Aujourd'hui, troisième épisode, on décolle pour rejoindre le Charles de Gaulle. Après, pour le vol, je vous mettrai les Midwest. Ouais. Donc surtout, faut pas les gonfler dans la machine. Ouais. Si jamais on doit amerrir, j'ouvrirai la porte ici, on sortira tous par la porte. On nage sous l'eau le plus loin possible et on se retrouve en surface pour la percuter. Donc c'est la tirette rouge. Et voilà. La guerre à distance sur le Charles de Gaulle, Raphaël Kraft, Guillaume Baldi. Vous êtes quelle chaîne ? LCI. Première fois ? Deuxième fois sur le porte-avions. On était venu l'hiver dernier quand le bateau était dans le golfe Persique. C'est toujours des beaux moments. On découvre quand même la vie d'un espèce de mastodonte. C'est assez étonnant, hein. Il y a beaucoup de monde à bord, beaucoup de corps de métier, et puis tout est tourné vers la mission des pilotes, quoi. Donc c'est assez étonnant de vivre ça de l'intérieur. On est où là ? Là, on est à Larnaca à Chypre. Donc, c'est de là que va décoller l'hélico, c'est un lynx là, qui va nous emmener à bord. Je sais pas combien de temps de vol on a, puisque je sais pas où on atterrit. En fait, on ne sait pas par essence où on va précisément. Mais voilà, on s'arnache là, on est en train de s'équiper. Et puis, on décolle. Archives, septembre 2016. La mission qui commence est donc aussi une réponse au terrorisme. Nous leur faisons la guerre. Et donc, nous devons y mettre les moyens militaires les plus adaptés face aux menaces. La lutte sera longue. Pas d'arrêter le 37 au niveau du Mont-Engin pour désarmement. Oui, oui, capitaine. Et alors, il y a le chirurgien qui est là. C'est un vieux copain ? Non, en fait, on avait pu constater que là où on est sûr de voir le soleil aujourd'hui, un peu la pluie, c'est sur le pont d'Envol. Donc on aime aussi faire vivre et surtout faire comprendre à l'ensemble du bateau quelle est la finalité, c'est-à-dire catapulter l'avion pour aller en mission. Donc on est toujours propice à partager en fait ce qu'on vit et surtout faire comprendre. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui travaillent dans le bateau, on aime qu'ils viennent aussi assister à ça pour partager un peu non seulement notre entre guillemets passion, mais surtout la finalité, quoi. Donc c'est assez régulièrement en fait les gens du bateau, et c'est normal et heureusement que ça se passe, et l'ensemble des acteurs du bateau en fait viennent sur le pont d'Envol pour assister aux séquences de catapultage voire d'appontage. Pour donner un plus grand sens à leur mission. Absolument, puis on aime aussi partager, et puis on a bien conscience que la plupart des personnes sont souvent dans le bateau, à travailler dans le bateau, sont pas souvent très souvent à l'air libre, donc on leur permet aussi de venir sur le pont d'Envol. Et on leur explique, qu'on vous explique à vous, qu'on aime aussi leur expliquer ce qui se passe, comment ça se passe, et les différentes séquences aussi. Voilà. Donc on aime partager ça avec les gens du bateau, donc on ne refuse jamais d'accueillir des personnes sur le pont d'Envol. Raphaël, je suis désolé, on a rendez-vous avec 5 minutes dans le Pacha. À vos ordres. Capitaine de vaisseau Éric Malbruno, commandant le porte-avions Charles de Gaulle. Waouh. Merci de nous recevoir. Alors sur le Charles de Gaulle, c'est un condensé de technologie, et puis en fait on se retrouve dans un très petit espace, donc dans une boîte, dans un espace de 260 mètres de long par 50 mètres de large. Donc on a deux chaufferies nucléaires, on a un dépôt de munitions, on a plusieurs milliers de mètres cubes de kérosène, on a un hôpital, on a le plus grand restaurant de la marine qui sert 4000 repas par jour pour les 2000 membres d'équipage. On a une ville de 2000 personnes, et au sommet de cet ensemble, qui est assez restreint, on trouve une base aéronavale qui peut bouger de 1000 km par jour, et sur laquelle on fait 40 à 50 mouvements d'aéronefs par jour. Chacun fait sa part de travail dans son domaine de responsabilité. Donc il y a les catapultes, il y a les chaufferies pour produire la vapeur, il y a la passerelle pour positionner le bateau, il y a l'officier aviation pour gérer toute la circulation aérienne autour du porte-avions, il y a les opérations, centrales opérations pour notre environnement, la machine pour avancer, pour produire de l'eau, parce qu'il faut produire de l'eau pour la ville de 2000 habitants, il y a la restauration. Donc chacun agit dans son domaine, et encore une fois, le niveau de responsabilisation, on cherche à responsabiliser les gens au plus bas niveau possible, chacun dans un processus qui permet de respecter le programme du bateau qui est établi la veille. Donc la veille, on établit un programme à la minute près, donc des heures de catapultage et des heures de ramassage, et ensuite on déroule ce programme. Donc ça, c'est signé la veille, je valide la version finale, et ensuite chacun va travailler dans sa chaîne de responsabilité. Donc la restauration, les armuriers pour les bombes, le bureau technique aéronautique pour la disponibilité des avions et toute la technique aéronautique, les pilotes et leurs préparateurs de mission pour la préparation de mission, et puis après la passerelle, les opérations pour positionner le bateau dans la meilleure zone météorologique possible. Ça, c'est permis par la mobilité du porte-avions pour mettre en œuvre les avions dans les meilleures conditions possibles. Moi, je suis le chef du service pont d'Envol en gare sur le Charles de Gaulle, donc affecté depuis un peu plus d'un an. Je totalise à peu près 27 ans d'ancienneté dans la marine. Votre prénom peut-être ? Benoît. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Parce que j'aime l'aéronautique, parce que j'aime intervenir en mission, parce que j'aime vivre un métier particulier, parce que j'aime travailler dans une ambiance de cohésion telle qu'on connaît aujourd'hui sur le porte-avions Charles de Gaulle. Voilà. Tout le monde me parle de l'équipage, de la cohésion, de l'équipage, et ça m'a l'air d'être assez différent de ce qu'on peut trouver par exemple dans l'armée de terre. On est presque 1900, 2000 personnes sur un bâtiment pendant plusieurs mois. Je dirais, sans cet esprit d'équipage, sans vouloir faire partie, participer à cet équipage, je crois que rien n'est possible, quoi. Oui, effectivement, c'est le moteur, c'est un des moteurs de notre motivation. C'est de vouloir faire tous ensemble catapulter les avions qui vont partir en mission, quoi. Du boulanger jusqu'à nous sur le pont, on a tous envie de faire la même chose, quoi. On est là pour ça, on s'entraîne pour ça et on aime ce qu'on fait. Je crois que c'est important. Vous entendrez quelques personnes dire on va vivre notre passion. On le dit aujourd'hui en toute humilité, oui, on va vivre notre passion, on aime ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement là ? Donc là, on présente un avion E2C sur la catapulte avant. Donc un Hawkeye, un avion radar, pour faire simple. Absolument. Donc vous voyez qu'interviennent un certain nombre de personnes sur le pont. Le pilote, lui, ne voit qu'une seule personne, c'est-à-dire que la personne qui est en jaune. Là. Voilà. Là, ce qui se passe, en fait, ce qui est important, c'est ce qui va se passer entre la personne qui est en jaune sur le pont et le pilote. Voilà. C'est-à-dire... Toutes les autres personnes qui interviennent, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne en jaune va dire, le pilote actera. Alors, toutes les autres personnes en dessous actent, mais sans que ce soit vu par le pilote. Qu'est-ce qu'il lui dit là, par des signes de main ? Là, il lui demande d'avancer. Vous voyez, on a la personne qui est le maître de pont qui va accrocher le dossier sur le croc, qui va lancer de l'avion, la catapulte. Mais le pilote ne le voit pas. Okay. Il ne voit que le directeur qui lui demande de freiner, et le directeur là va ce qu'on appelle passer l'avion à l'officier de lancement. Vous voyez ? Voilà, il passe l'avion à l'officier de lancement, on passe d'un homme en jaune à un autre homme en jaune, et là le pilote à ce moment-là ne suivra plus que les indications de l'officier de lancement, qui a levé son pavillon vert, donc a demandé au pilote de mettre plein gaz. Et là on est plein gaz, on l'entend. Voilà, et là l'officier de lancement s'assure que tous les feux sont ok, que le pilote est toujours ok, il baisse son pavillon vert, et l'avion est catapulté, sur 75 mètres. Direction les catapultes. Maître de port avant de l'avion d'avant. Je te touche. Bonjour. Bonjour. Non, juste Tony. Anthony. Ah, Anthony, ok. Capitaine de corvette, Anthony. Donc je vais vous emmener en cabine catapulte pour les premiers catapultages. Et d'ici quelques minutes, les avions vont partir. Voilà. Donc on ira en cabine assister. Donc vous verrez le travail des équipes là sous le pont, un peu le travail, tout ce qui est caché. Voilà, le travail des personnes qui vont mettre en œuvre ces installations. Donc on est 133, il faut 133 personnes pour mettre en œuvre et entretenir ces installations. Donc ça permet de tenir, d'avoir une équipe en permanence sur 24 heures, et également d'avoir les renforts nécessaires pour pouvoir intervenir en cas d'avarie. Voilà, parce que ce sont des grosses installations qui sont très gourmandes en main d'œuvre dès qu'on doit intervenir dessus. Ça sert à quoi une catapulte ? Une catapulte, donc ça sert à donner à l'avion la vitesse minimale de portance en sortie de pont. Voilà. La catapulte fait 75 mètres. En 75 mètres, l'avion n'a pas suffisamment de distance et de puissance pour atteindre la vitesse à laquelle il va pouvoir voler. Donc la catapulte va permettre de donner cette énergie. Donc l'avion sera catapulté de 0 à 250 km/h en 75 mètres. Et combien de secondes ? En moins de 2 secondes. Et on pourra le catapulter au maximum de son poids et avec le maximum de charge admissible sur l'avion. Voilà. C'est vraiment l'intérêt militaire d'un porte-avions catapulte, c'est que l'avion part au pleine charge, au maximum de ses capacités. Ce qui n'est pas le cas des porte-aéronefs. Dans un porte-aéronef, s'il n'est pas de catapulte, donc c'est-à-dire que toute la puissance est fournie par les moteurs, donc il doit y avoir un compromis de fait sur le kérosène embarqué et le chargement de l'avion. Et donc l'armement. Alors attention, vous vous appuyez dans la cabine, évitez les coins. Et les boutons rouges. Non, les boutons, et voilà, ne touchez pas les boutons, et évitez les coins parce qu'il y a des glissières avec de la graisse. Donc... Petit pas par petit pas pour éviter d'avoir les gens. Ouais. La chaleur que vous ressentez, c'est le réservoir qui est juste derrière. Réservoir de ? De vapeur. Donc 54 mètres cubes de vapeur qui vont servir à chaque fois pour un catapultage. Alors, bonjour. Essayez de monter dans le bobsleigh. Bonjour Raphaël. Où est-ce qu'on se trouve ? Dans la cabine de la catapulte avant. Alors, on est au ras du pont, vous pouvez nous décrire l'environnement ? Bruyant. C'est d'ici que tout est fait pour la séquence de catapultage. Donc cette partie-là, tout ce qui est manœuvre du croc de lancement, du chariot, et la partie ingénieur, partie feu. On est parti. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on se prépare pour la pontée du matin. On va tirer dans 9 minutes. Donc on a 4 casses. C'est une mission closer support avec donc 4 rafales opérationnelles armées qui vont partir à 8h20. Donc là, on a des rafales qui tournent entre 21 et 21 tonnes 5 et on doit les sortir entre 135 et 149 à peu près. Voilà. Juste en face de nous, on a Pedro, c'est ça? C'est qui Pedro? Donc Pedro, là, c'est l'hélicoptère qui est toujours mis en l'air quand on met de la mise en œuvre, quand on fait de la mise en œuvre d'aéronefs, que ce soit pour les appontages ou les catapultages, parce que c'est des phases délicates où on n'est pas à l'abri d'avoir d'avoir une erreur et un avion qui puisse partir à bail. Et donc du coup là on a directement un hélicoptère avec un plongeur hélicoptère qui est dont la mission est la récupération du pilote si jamais l'aéronef tombe à l'eau. J'imagine qu'il y a ce lien particulier qui te lie au pilote puisqu'il est entre tes mains pendant 3 secondes. Oui exactement. En plus on partage le même carré. Mais ouais t'as cette. C'est ce petit lien là sur les 2-3 secondes où on passe la main qui est assez sympa. Et même très exaltant. Ton prénom c'est François Gavier. On va peut-être te laisser bosser là et juste regarder. Ouais. Ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. À partir du moment où tu as l'aéronef là qui se présente, du coup silence. Silence sur les ondes. Et l'hélicoptère. Donc là c'est le début de la phase de présentation des avions. Donc je vous laisse apprécier la suite. Tu dois. Moi c'est bon, mais ouais, si vous n'avez pas de bouchons, je vous conseille très fortement de les mettre. 38 catapulte avant. Rafale 38 catapulte avant. Essai de cabine, je vais une CSV à 212 pour le Rafale 38 en plantation. Reçu son de panneau. Alors, Moreau. Est-ce que je peux retirer les suspensions? Retirer les suspensions. Pour sortir, autorisation de mise en batterie. Reçu pour autorisation de mise en batterie. Donc là, ce rafale, il faudra le sortir à 134 nœuds. Et là, c'est la vitesse qui s'affichera une fois que ce sera parti. Donc on verra si on l'a bien réglé. On a une fourchette à respecter entre plus 3 nœuds et moins 2 nœuds. Les avions ont besoin d'avoir du vent sur le pont, de l'ordre d'une cinquantaine de kilomètres heure de vent sur le pont. Et donc soit il y a du vent sur la mer et on utilise ce vent sur la mer pour éviter de faire avancer le bateau, soit il n'y a pas de vent sur la mer et dans ce cas-là c'est le bateau qui crée son propre vent en naviguant environ une cinquantaine de kilomètres heure. Et vous avez besoin de ça pour que les avions puissent être catapultés, donc décoller d'une piste qui fait 75 mètres de long, puisque en fait, c'est quand même un avion qui est tendu au bout d'un élastique énorme ou géant comme vous voulez et que l'on vient accélérer très fortement, mais en fait on utilise aussi le vent relatif parce que c'est déjà 50 km heure sur les ailes des gagnés qui permettent à l'avion de décoller dans ces 75 mètres. C'est aussi le propre du bateau de pouvoir aller chercher les bonnes conditions météo. Là ce matin, entre ce matin et maintenant, le bateau a fait plusieurs dizaines de kilomètres pour aller trouver les bonnes conditions pour pouvoir catapulter et ramasser les avions. Ça, c'est le bouton qui va dire que la latérale, ça va partir dans pas longtemps. Dès que ça s'éteint, ça part. Ça va voir. Top. Et ça part. Catapulte Paris. Reçu mon catapulte Paris. Ça c'était l'autre catapulte, pas la nôtre. Entraînement. Vers partout. Pareil, bon, je vais laisser les nerfs coincés en pression, mais on va pas. Donc la conjonction de tous ces métiers, de toutes ces expériences, fait que statistiquement, on a plus de chances à se faire écraser dans la rue à Paris que de terminer dans les flots après un catapultage dans un rafale. Effectivement, en termes d'accidents, on n'a pas vraiment beaucoup de cas à traiter sur le porte-avions et les médecins vous le confirmeront, je pense. À part quelques phénomènes liés à la bobologie, on n'a rien à déplorer sur le porte-avions. Veuillez pour info, le tracteur numéro 12 est paré à monter. Bon. Ok, reçu. Ça vous fait mal où ? Moi, nulle part. Moi, tout va bien. Je m'appelle Vincent, je suis kiné de réserve, donc je suis pas kiné d'actif, je suis pas 100% militaire, et voilà, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Je m'occupe du soutien de la force, prioritairement sur les PN, donc le personnel navigant, c'est-à-dire les pilotes de rafale, d'Okaï et les pilotes hélicoptères, et après, de manière secondaire, toutes les personnes du bord. Pourquoi les pilotes sont sujets à des maux de dos ? Les contraintes des avions sont telles que oui, en fonction du type d'appareil, la on va dire spécificité de chaque vol et la contrainte de leur travail, ça va être la durée des vols, la pression due à voler un territoire hostile et la qualité de leur travail qui doit être fait, parce qu'on peut pas se permettre de faire du travail à la légère, et ben justement ça crée des tensions des tensions au niveau nerveux, donc au niveau surtout haut du corps, et aussi en fonction de la posture, parce que faire le même mouvement pendant 2-3 heures, forcément ça crée des déséquilibres. Vous, quand vous allez regarder la télé en regardant la tête tout le temps à droite, bah forcément après vous allez avoir des douleurs au cou, bah eux ça va être majoré parce que ils ont un équipement qui fait plus d'une dizaine de kilos au niveau de la tête, et au niveau du haut du corps qui va être d'une dizaine de kilos aussi. Donc tout ça majoré, bah forcément... tout ça majoré, forcément, avec la fatigue, l'enchaînement des vols, la durée de la mission, c'est d'énormes contraintes et d'énormes troubles musculo-squelettiques. Quels sont les effets sur le corps, un catapultage où on prend quoi, 2G, 2, entre 2 et 3G ? C'est plus que ça, c'est une grosse accélération. Ça va surtout être ressenti, il y a plusieurs phases déjà dans le catapultage, ça va être surtout le bas du dos et les cervicales qui seront impactées. Donc après, ça va être. Mais vu que c'est un effort qui est très court, on va dire, ça va être juste comme si on vous donnait un gros coup de pied aux fesses et allez-y. Donc c'est pas des tensions qui vont perdurer, mais la répétition font que des tensions vont s'instaurer. Comment se passe, où se passe la relation avec le pilote que vous faites catapulter lorsqu'il est au-dessus du théâtre ? Alors en fait, la relation avec le pilote, elle est essentiellement dans la salle qui est derrière, en fait. Donc là, le centre de contrôle et d'approche, ce centre de contrôle et d'approche est composé de marins qui sont des contrôleurs aériens spécialisés dans le contrôle d'avions militaires et spécialisé dans le travail à partir du porte-avions. Donc c'est un tout petit groupe de contrôleurs aériens. Et eux, à chaque fois que le porte-avions va catapulter des avions, ou que le porte-avions va se préparer à recevoir des avions, et ben ils vont être sur leur console, avec leur casque, et ils ont des fréquences, ils travaillent comme un avion civil avec des fréquences, et le pilote les contacte lorsqu'il revient sur le porte-avions, ou alors lorsqu'il est catapulté, dès qu'il a fait ce qu'on appelle les actions vitales, rentrer le train, vérifier que tous ses paramètres moteurs sont bons, enclencher tous ses systèmes d'identification, et bien en fait, il va passer la fréquence de ce contrôleur aérien qui va lui répondre en disant voilà, vous êtes bien pris en compte, vous pouvez prendre tel cap, vous pouvez monter à telle altitude pour ensuite aller travailler dans une zone et être transféré à un autre contrôleur militaire qui lui est un contrôleur tactique. C'est-à-dire que lorsque un pilote par exemple est au-dessus de Mossoul, vous n'avez pas de relation directe avec lui, c'est par des tiers, ça peut être l'Okaï, ça peut être le Qatar, ça peut être... Oui, en fait, alors Là, on est vraiment dans là, quand je vous parle des contrôleurs aériens du porte-avions, on est vraiment dans la fonction de contrôle aérien, au même titre que celle que vous avez autour de Roissy-Charles de Gaulle, et qui permet de passer de Roissy-Charles de Gaulle à ce qu'on appelle le contrôleur en route, qui vous permet d'aller à un autre point, soit à un autre aéroport. Et bien, en fait, là, c'est pareil pour les pilotes du porte-avions. En fait, ils sont catapultés, ils ont leur contrôleur local qui va les transférer à un contrôleur en route. Les avions sont sur un théâtre d'opération quel qu'il soit, en relation avec des contrôleurs tactiques qui, eux, sont en relation avec un état-major tactique qui fera remonter et toute la chaîne remonte comme ceci, mais ça va très très vite. C'est-à-dire ? Vous avez des informations qui peuvent remonter, c'est de l'ordre de la minute, enfin, ça peut aller assez vite. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où soudain il est seul ? Enfin, seul, séparé de vous en tout cas. Alors oui, il y a des moments où le pilote est seul, et il a été formé à cela, donc ça fait partie du fonctionnement. Pour autant, nous avons aussi un moyen d'avoir des informations de nos pilotes à bord du porte-avions en liaison quasi directe dès lors que le Hawkeye est en vol. Puisqu'en fait, le Hawkeye, lui, il a des systèmes de communication. Qui sont les systèmes de communication ? C'est un avion qui fait du contrôle et donc qui a beaucoup de postes de communication, y compris de la communication satellitaire, et qui, lui, a un contact permanent avec le porte-avions. Avec lui, on a une liaison directe. Et donc, nos avions, s'ils sont très loin et en contact avec le Hawkeye, vont passer une information, elle va être relayée dans les 10-15 secondes. Dernier endroit chaud, après on devient beaucoup plus inspiré. Donc là, vous avez vu sur le porte-avions, il y a le pont d'envol. Donc on va dire, si on comparait un peu avec une base navale, c'est un peu la piste. Et la partie hangar, c'est sur un bateau, elle se trouve sous la piste en fait, donc elle se trouve en dessous. Donc en fait, on va retrouver ici tout le stockage des avions pour y accomplir toute la maintenance en fait. Alors la maintenance, elle peut être principalement préventive, c'est-à-dire qu'on fait des visites, on regarde, au bout d'un certain nombre d'heures de vol, il faut qu'on aille regarder nos moteurs pour donner, etc., du potentiel. Ou alors elle peut être corrective, si on a eu une panne particulière, une radio qui ne marchait pas, il faut la changer. Donc on va avoir tous nos techniciens en fait qui vont travailler principalement ici, dans le hangar, et ensuite qui vont également travailler sur le pont d'envol. Là, ça sera pour ce qu'on appelle la mise en œuvre, c'est-à-dire préparer les avions pour que tout soit prêt pour pouvoir accomplir les missions et décoller en fonction de, encore une fois, du jour et de la nuit où c'est nécessaire. Rapidement ici, le radar, les ailes qui se plient, parce que c'est un avion américain, c'est un avion Grumman. Bon, les ailes qui se plient, c'est pour gagner de la place. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La crosse d'appontage dont vous parlez, vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est ça qui va nous arrêter. Donc il va descendre en fait, venir vers le bas. Hop. Donc ici, on voit en dessous toutes les antennes radio, toutes les espèces de plaques, ce sont les antennes radio qui permettent de communiquer. Le problème, c'est que hop, on va passer devant. Attention à la tête, parce qu'il y a des petits trucs qui peuvent faire mal. Donc là, on est dans le poste de pilotage, c'est ça ? Voilà. Donc ça, c'est le poste de pilotage. Donc comme je vous disais, il y a deux pilotes, à gauche et un à droite, enfin un qui sera commandant de bord. Donc symétrie des deux manches, c'est-à-dire que n'importe qui peut commander. Sinon, très rapidement, une manette moteur, ici vous avez le train, la crosse qui part là, les volets et un certain nombre d'instruments. Donc ouais, ça reste un avion assez sommaire et un peu ancien, mais bon, qui fonctionne très bien et donc voilà. Moi, je suis le commandant de la flottille 4F, c'est-à-dire qu'on travaille sur Hawkeye, c'est cette grosse machine, qui est un avion radar qui est embarqué. À bord du porte-avions, on en a deux, et en France, on en a trois, en fait. Un qui reste toujours à terre, puisqu'il est en fait en grande visite, il est en entretien. Et sinon, on en a deux qu'on amène à bord avec nous. Les équipages sur un Hawkeye, c'est 5 personnes. Deux pilotes, donc un pilote et un commandant de bord, qui sont à l'avion de l'appareil. Et trois, ce qu'on appelle dans la marine les tacticiens de l'aéronautique navale, TACAE, c'est le petit mot raccourci, qui sont aussi des officiers volants et qui sont à l'arrière en fait du système et qui eux vont mettre en œuvre le système d'armes. Voilà. Le système d'armes du Hawkeye, c'est quoi ? C'est principalement son radar. Donc pour faire vraiment très simple, il faut imaginer que c'est un peu comme une tour de contrôle, enfin un centre de détection, on va dire, qui est tout concentré dans un avion. on va décoller, on va se mettre en hauteur au-dessus du porte-avions, et là on va allumer notre radar. Et pour avoir un peu une idée, si vous voulez, si on comparait avec la France, évidemment c'est pas tout à fait ça, mais imaginez qu'on se met à peu près au milieu de la France, vers Clermont-Ferrand, en vol, notre radar, on va détecter à peu près toute la France, en enlevant un peu la pointe bretonne, Strasbourg, Biarritz, voilà, mais en gros un cercle qui fait à peu près 400-450 km de détection autour de nous. Concrètement, ce radar, c'est, j'utilise un peu cette expression, il faut imaginer ça un peu comme un gros projecteur, si vous voulez. Ça ne permet pas de voir les choses très finement, mais ça permet de voir loin et beaucoup. Après, si on veut avoir de la précision, ben là, on va utiliser les chasseurs, qui eux, ou un hélicoptère potentiellement, qui ont des plus petits radars, mais eux, c'est vraiment de la lampe de poche. C'est-à-dire qu'ils vont voir moins de choses dans la distance, mais de façon très précise, ils vont voir beaucoup mieux les choses. Ils verront mieux si ça bouge, etc. Donc en fait, on va travailler en binôme, si je peux dire. Ce qui va permettre au commandant, parce qu'à bord de l'avion, on n'a que 5 personnes, hein, j'ai pas l'amiral, j'ai pas le commandant, j'ai pas Paris qui est bien sûr qui est dans l'avion, mais grâce à des liaisons satellitaires, etc., je vais pouvoir envoyer cette image à d'autres organismes qui, eux, vont commander et vont avoir une image de la situation et on va la partager. Voilà, ça c'est la grosse mission, en fait, c'est ce qu'on appelle la détection avancée, c'est la grosse mission du Hawken. Quel âge avez-vous, Thomas ? Moi, j'ai 36 ans. C'est impressionnant. On est plus jeune, hein. Il y en a qui sont ministres à cet âge-là, donc il n'y a pas d'âge. Donc, tous les jours, vous avez cette angoisse, est-ce que c'est une angoisse d'abord, du catapultage, c'est-à-dire ce principe sur un porte-avions de donner de la vitesse à l'avion pour qu'il puisse... se porter dans les airs quand il quitte le pont d'envol. Et c'est un moment, j'imagine, où on se dit, bah, à chaque jour, vous vous demandez, est-ce que je vais terminer dans la mer ? Assez paradoxalement, le catapultage en lui-même, en fait, la sensation la moins agréable, c'est qu'en fait, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que, en fait, c'est le bateau qui va nous catapulter. Donc enfin, ça s'appelle une catapulte, parce que c'est le principe de l'élastique des enfants. Hein. C'est-à-dire, on tire, et puis à un moment, on lâche l'élastique. Quoi. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont tirer l'élastique à la bonne tension. Mais en soi, je suis assez passif au catapultage. L'avion, il va sortir à la bonne vitesse, et je vais pouvoir. Après, attention, on a énormément de marge. Enfin, typiquement, vous avez vu la taille de mes moteurs. Si je perdais un moteur, si la catapulte sort à la bonne vitesse, l'avion, il va voler. Si jamais... je perdais les deux moteurs, je sortirais quand même avec une vitesse de vol, pas longtemps je suis d'accord, mais qui va me permettre d'aller entre guillemets me poser dans l'eau plus ou moins. Donc vous voyez, j'ai pas de siège éjectable comme sur un chasseur, mais j'ai quand même des moteurs puissants, etc. Donc j'ai quand même quelques options, et ce qui fait que voilà, on n'a pas d'angoisse parce que ça reste quelque chose qui est quand même assez bien maîtrisé. Par contre, on a plus de pression, si je pourrais dire. Pareil comme ça pour le retour, parce que là pour le coup on est acteur et l'appontage c'est nous qui allons apponter et je dirais que là pour le coup personne ne pourra le faire pour nous, donc ça c'est quelque chose sans nous faire encore une fois, c'est pas une angoisse particulière, mais il faut qu'on sache que pendant tout notre vol il faut qu'on se réserve une capacité d'énergie entre guillemets, une capacité de concentration suffisante pour être capable de ces quelques 30 dernières secondes ou quelques dernières minutes où il va falloir ramener l'avion. On arrive quand même presque à 200 km/h sur un terrain de tennis, donc il va quand même falloir l'amener. Voilà. Mais c'est aussi une des parts agréables du métier, parce que ça reste voilà, quelque chose qui ça change la routine, c'est quelque chose qui, vous voulez, un petit pic d'adrénaline, mine de rien, qui nous motive, qui nous demande toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais encore une fois, je pense que le sportif automobile, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un danger sur une piste de F1. Néanmoins, je ne pense pas qu'à chaque fois qu'il monte dans sa voiture, il soit en train de s'imaginer les pires choses qui puissent lui arriver. Il est concentré sur sa course, et concentré sur son métier, et surtout concentré sur ce qu'il sait faire, et, on le fait. Donc nous, c'est un peu la même approche qu'on a. This is Gaelic break. Mike Corton. 3-5-0. Tac. Mike, speed, 1-3. Roger, out. Say again, all before touch, over. This is Gaelic, I say again, all before attack. Break, Mike, Corpen, 3-5-0. Tac, over. Vous avez un bel accent. Alors on est obligé, on parle en anglais avec l'escorte. Ah oui, parce qu'il y a une frégate américaine, c'est ça ? Ce C'est ça, on a le Messon, on a actuellement le Forbin et le Jean de Vienne. Time 0619 Zulu. Over. Capitaine de frégate Alban, commandant de la 11e flottille de chasse embarquée. Nous mettons en œuvre des rafales qui ressemblent beaucoup à ceux que l'armée de l'air possède, mais qui sont néanmoins un tout petit peu différents, puisqu'ils ont un train avant renforcé pour être catapulté depuis le porte-avions sur une distance de 75 mètres et qui ont une crosse d'appontage qui permet d'arrêter l'avion sur une distance d'une centaine de mètres de manière à les lancer et à les récupérer sur un porte-avions. Voilà, donc extérieurement ça ressemble beaucoup, néanmoins il y a des petits aménagements qui font que un rafale de l'armée de l'air ne sera pas capable techniquement de venir sur le porte-avions. Quel âge avez-vous ? J'ai 38 ans. Vous volez donc presque quotidiennement, ou en tous les cas tous les 2-3 jours peut-être, au-dessus de l'Irak. Comment ça se passe ? Comment vous préparez une opération du moment où on vous dit bah, il faut aller ici jusqu'au moment où vous vous trouvez dans l'habitacle de votre avion, avant le catapultage ? Alors, déjà la préparation, en fait, elle se fait à partir d'un document de base. Alors, il y a deux documents de base majeurs. Un document qui recueille toutes les instructions spéciales qui sont données par le commandant du théâtre. Donc ça, c'est des opérations qui sont indépendantes de la journée sur laquelle on travaille. Et ensuite, on a un document qui est l'ordre d'engagement aérien, qui est édité de manière journalière par le centre des opérations aériennes. Dans cet ordre, on va retrouver le nom... Qui est au Qatar, hein, c'est ça ? Qui est à l'Oudaï de Qatar, tout à fait. Sur cet ordre, on va retrouver l'indicatif de la patrouille, donc comment est-ce qu'on va s'appeler en l'air avec les organismes de command and control de la coalition, les munitions que le centre d'opération aérienne souhaite que l'on emmène, notre zone de travail, de tâche, notre zone sur laquelle on va travailler, et enfin les différents ravitailleurs sur lesquels on va aller prendre du carburant pour faire la totalité de la durée de la mission. Voilà. Maintenant, vous allez bien ? Ça va ? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on étudie la partie tactique de la zone sur laquelle on va travailler. Donc, ça consiste essentiellement en les différents reports des différentes sources que nous avons à bord sur les dernières opérations en cours. Donc vous avez des opérations qui évoluent très rapidement. Par exemple, en ce moment, on est en pleine bataille de Mossoul. Donc effectivement, sur Mossoul, tous les jours, il y a des nouveaux quartiers qui sont repris. Il y en a d'autres sur lesquels les forces amies achoppent. Voilà. Et donc nous, on a une ligne qui démarque dans les 6 à 8 heures avant le vol la position des amis et la position des ennemis. Une fois qu'on a fait ça, eh bien en fait on va prendre tout ce qui est le travail aéronautique de base, on va dire, donc la météorologie, quelle va être la météo sur le porte-avions, quelle va être la météo sur la zone de travail, quelle va être la météo le long du transit, et quelle va être la météo sur les terrains sur lesquels potentiellement on peut se dégager si jamais il nous arrive une panne en vol. Voilà. Une fois qu'on a fini de préparer, eh bien là on fait le briefing. Si jamais la mission est très tôt le matin, il arrive qu'on le fasse la veille au soir. Et donc 2 heures avant, on se rassemble avec le leader de la patrouille, l'équipier de la patrouille, le préparateur de mission qui nous a aidé à préparer la mission, et un officier de liaison de l'armée de terre. Et là, c'est donc le leader qui parle et qui, donc on appelle ça briefer, c'est une conférence avant vol. Voilà, en français, on appelle ça conférence avant vol. Donc on parle du vol standard tel qu'il devrait se dérouler. Tout ce qui est contingence, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça ne va pas à tel endroit, en matière de temps, en matière de pétrole, en matière de météo, voilà. Enfin, on parle de la phase tactique, sur quelle zone on va, on la décrit rapidement, on voit les types de passes d'attaque qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va relâcher une munition, quels sont les critères pour pouvoir le faire, quels sont les go-no-go. Voilà. Et enfin, on a un onglet sécurité dans lequel on rassemble tous les paramètres de sécurité du vol, notamment tout ce qui est réaction immédiate en cas d'urgence. Voilà. À l'issue de ça, eh bien, on va s'habiller. Donc, c'est une phase qui prend quand même un peu de temps. là, puisqu'en fait on part, on enlève tout ce qui peut nous identifier sur la combinaison, donc on n'a rien. On prend quelques documents nécessaires en cas d'éjection en territoire hostile. Et à partir de là, donc on marche, ce qu'on appelle on marche à l'avion, c'est-à-dire que on monte et on va chercher notre avion, l'avion qui nous a été désigné. Voilà, à l'issue de la mise en route, tout va bien. Et quand les deux avions sont prêts, à l'heure dite, eh bien, on est catapulté du porte-avions. Pourquoi vous avez décidé de devenir pilote ? Eh bien, en fait, c'était la partie liberté d'évolution. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on retrouve en mer, en fait. Le fait d'être sur l'immensité, de ne pas être soumis à une route, de ne pas être soumis à une vitesse. Le contact avec la nature également. Donc quand vous êtes en mer, eh bien, le bateau il est soumis aux aléas. Et très souvent, pendant les grosses tempêtes, eh bien, aucun bateau, si gros soit-il, ne résistera à la tempête. Et vous aurez à faire face aux éléments et à vous y adapter. C'est quelque chose qu'on retrouve en l'air, de la même manière, voire même de manière un peu plus exacerbée. Quand vous voyez un orage, les dégâts que ça peut faire au sol, eh bien, imaginez sur un avion type avion de chasse avec la taille que ça fait, ou même sur un avion de ligne. Hein. Je pense que tout le monde a déjà pris l'avion de ligne et s'est retrouvé au milieu d'une tempête avec l'avion qui bouge quand vous sautez dans ce que communément on appelle les trous d'air, qui sont en fait des turbulences et qu'on se retrouve sans la ceinture potentiellement plaquée au plafond. Voilà, là on se rend compte de la puissance de la nature et donc eh bien, c'est à nous de nous accommoder autour de la nature et pour pouvoir travailler avec elle. Un processus parallèle entre la décision de frappe américaine et irakienne et un contrôle national français. Donc c'est un officier lourd qui a des consignes, qui a une directive nationale d'espionnage, qui a plein de choses, plus des outils, donc des cartes, ce qu'on appelle des patterns of life, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans la région récemment, etc. Éventuellement de l'imagerie temps réel et des diagrammes pour les munitions pour savoir ce que tel type de munition fait. Voilà. Lui, on lui donne le terrain, on lui dit voilà, est-ce que la France accepterait ? Il dit oui ou non. Voilà. Ça nous est transmis par une voie. Ensuite, il y a la chaîne de targeting, le traitement de la cible irakienne et américaine, qui traite de l'autre côté et qui dit c'est un target approuvé, c'est bien Daesh, on n'est pas en train de tirer sur des friendly, enfin sur des amis, on n'est pas en train de tirer sur des civils. Tout ça nous arrive dans le cockpit. Une fois qu'on a ça, en fait, c'est des permissions. On nous a autorisé à délivrer. Mais in fine, celui qui délivre, c'est toujours le pilote, et c'est donc toujours le pilote qui décide de délivrer. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont ça arrive, c'est pas « je t'ordonne de tirer là », c'est « je te permets, voilà une coordonnée ennemie, c'est vérifié par un tel, c'est vérifié par un tel, la frappe est autorisée. » Et là, qu'est-ce que vous faites ? Et bien là, on s'assure que tout est correct, que ça correspond à ce qu'on nous a dit. On a des procédures assez strictes, même très strictes d'ailleurs, pour la reconnaissance des targets, des cibles, la reconnaissance des cibles par rapport à ce qu'on nous a donné. On vérifie. Si tout va bien, eh bien on délivre l'armement. 99% du temps, il n'y a aucun souci. Il y a une telle en fait masse de notamment de drones qui vérifient en permanence tout ce qui se passe en temps réel sur le théâtre, plus toute la chaîne. Il faut bien voir que en fait la personne française, comme d'ailleurs la chaîne de décision irakienne et américaine, mais qui s'occupe de donner ces green, ces feux verts, ces clearances. Elle est assise, d'accord, avec des écrans de chaque côté, avec à sa gauche, il a quelqu'un qui connaît finement, très finement, ce que fait chaque munition et qui va lui dire, voilà, ça va endommager jusque-là, ou jusque-là, ou jusque-là. Et de tracer ça sur des cartes, c'est vraiment extrêmement précis. Voilà. Et donc cette personne-là, elle a du recul. Et quand vous délivrez les armes ? Enfin, quand vous avez délivré les armes, quelle est la sensation, quel sentiment, quel... Ben, la plupart du temps, en fait, c'est le sentiment, comme je vous dis, c'est très souvent en autodéfense. Donc, en fait, c'est le sentiment de devoir accompli. Et en plus, en général, on voit les feux qui s'arrêtent. Et du coup, les forces irakiennes ne sont plus soumises au feu, voire peuvent reprendre la progression. Enfin, on se dit, voilà, je sers à quelque chose et je vois que j'apporte quelque chose à la coalition, d'autant plus que comme Enfin, moi, j'ai fait, donc, comme je disais, j'ai fait depuis janvier 2015, j'ai fait les trois détachements du porte-avions. J'ai vu l'évolution quand on est arrivé en janvier 2015. Tout l'Irak, ou 90% de l'Irak utile, était pris par Daesh. Donc Tikrit, Ramadi, tout ça c'était pris, en fait. Et on travaillait, mais vraiment, non. Et alors aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'on a repris, ben, je me dis, ben, alors bon, c'est essentiellement les Irakiens, parce que c'est eux qui sont en bas à mener les combats les plus durs. Mais voilà, il y a un résultat, il y a un effet. Et ça nous permet de faire progresser les forces amies à moindre frais de humains. Donc le nerf de la guerre, c'est ça? La restauration, bien sûr. Vous pouvez vous présenter avant de nous emmener? Votre prénom au moins. Je suis le lieutenant de vaisseau Franck. Je suis le chef du service restauration du porte-avions Charles de Gaulle. Donc mon métier, c'est de nourrir dans les meilleures conditions, en respectant les règles d'hygiène, les 2000 marins du bord, matin, midi et soir. Donc en tout, ça fait à peu près 4000 repas par jour avec le pain, les viennoiseries, enfin tout ce qui sort des cuisines sont fabriqués par mon personnel. Ensuite, j'ai l'aspect distribution avec 6 salles à manger. Donc 6 salles à manger qui, puisque dans l'armée, on cloisonne pas, mais on respecte le grade des gens pour qu'ils puissent se libérer dans un moment de convivialité qui est uniquement la restauration, parce qu'après, on travaille quasi H24. Et ensuite, on a la partie approvisionnement où on a en gros quelques chiffres, 270 tonnes de vivres qui correspondent à 45 jours d'autonomie pour 2000 personnes à bord. On va voir les cuisines? On va tout voir, je vais tout vous montrer. Je ne cacherai rien. Le congélateur. Donc c'est 200 mètres cubes, ça représente à peu près 80 tonnes de congelé pour 2000 personnes. Donc l'autonomie, c'est 45 jours. 45 jours, au bout de 45 jours, donc on part à 45 jours. Au bout d'une semaine, on a des ravitaillements à la mer, essentiellement faits pour refaire le TR-5 pour les avions. Et refaire c'est quoi le TR-5 ? Le TR-5, c'est l'essence pour les avions, hein, pour les rafales. Et ensuite, on a essentiellement aussi les ravitaillements à la mer pour l'aspect nourriture. Donc l'aspect congelé, et puis les frais que je vais vous montrer aussi après. On a trois cuisines différentes. La cuisine du pont 01 fait à peu près 1000 couverts, la cuisine du pont 04 fait à peu près 800 couverts, et la cuisine de l'avant, c'est la cuisine du commandant ou de l'amiral, et il faut à peu près entre 2 et 45 couverts, suivant les prestations qu'on a à offrir. Alors la première cuisine, on retrouve surtout la restauration des officiers mariniers supérieurs et de l'équipage, puisqu'aujourd'hui... La majeure partie de l'équipage du porte-avions, c'est surtout les sous-officiers. Donc ils mangent en cuisine 04. Là, c'est la manger, c'est là où vous avez mangé, donc des officiers qui sont servis à table parce que c'est la marine. C'est la marine. Sinon, tout le reste est servi en plateau. Donc là, on a le service à l'avant avec l'amiral. Donc l'amiral, il y a un cuisinier et un maître d'hôtel qui sont détachés à l'avant. Le principe du porte-avions, depuis que je suis arrivé, c'est que tout le monde mange exactement la même chose, la même journée, au même moment. Et hier soir, on a eu une pizza, une pasta party. À l'avant, ils ont mangé exactement la même chose. Donc si on va se retrouver aujourd'hui à manger du saumon à l'oseille, l'amiral mangera du saumon à l'oseille, pareil que cuisiner avec un seul cuisinier, mais il mangera exactement la même chose. Donc il y a deux pâtissiers qui fabriquent en général la veille pour le lendemain toujours des différents gâteaux. Donc on peut voir ils vont faire un coulis de pêche, ils font un flan coco, ils vont faire un gâteau à l'ananas, ils vont faire des brioches. Ils ont un panel de recettes qui est assez impressionnant, et pour 2000 personnes, c'est énormément de travail. Donc les deux pâtissiers ne chôment pas du tout. Ah, je m'appelle Tony, je suis second maître pâtissier sur le Charles de Gaulle. L'officier nous dit que c'est un travail considérable. Vous êtes 3 mois en mer, qu'est-ce qui vous anime ? La marine, le voyage, le boulot, la cuisine, la pâtisserie, c'est ça qui m'anime. Ouais. Quel lien vous avez avec la mission qui se passe au-dessus de l'Irak et de la Syrie ? Aucun lien, aucun lien. Ouais. Voilà. Vous faites le job. Voilà, c'est ça. Je fais mon métier, je fais pas plus. Et vous avez le sentiment que bien faire votre métier, ça aide à bien catapulter l'avion ? Oui. Oui, c'est important que les gens mangent bien, autant que les pilotes, et ainsi que tout le monde à bord. Donc, si je fais plaisir à une personne, je fais plaisir à 2000 personnes. Voilà. Les images de ce pilote jordanien encagé, vous les avez vues ? Oui, tous les pilotes, c'était difficile de les rater vu qu'elles ont été reprises par tous les médias. Et d'ailleurs, c'était l'objectif de Daesh de vouloir traumatiser la coalition et de vouloir traumatiser les gens qui leur font la guerre. Mais c'est à l'image des attentats de Paris, c'est à l'image des attentats de Nice. Enfin, c'est leur mode opératoire, c'est de créer un traumatisme. Voilà, de manière à paralyser l'ennemi, c'est-à-dire nous en l'occurrence. Après, c'est à nous de faire la part des choses entre, effectivement, l'ennemi travaille contre nous, nous travaillons contre l'ennemi, et c'est une confrontation de volonté, comme disait Clausewitz, et là on est exactement dedans. Il y a une volonté de Daesh de nous nuire, de nous faire mal, de nous faire psychologiquement mal, et bien nous c'est pareil, nous on a comme ambition de réduire Daesh, et donc de leur faire mal, voilà. Alors si ça ne semble pas vous toucher, vous et vos hommes, ça touche peut-être votre mère, votre sœur, votre... C'est sûr que pour les proches, c'est plus compliqué. Alors, encore une fois, il n'y a pas une habitude, mais quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma première opération en Afghanistan en 2006. À cette époque-là, c'était le grand drame de ma mère. J'étais pas encore marié à l'époque, mais après, ma femme a découvert ça. Elle ne vient pas d'un monde militaire non plus, donc je suis parti assez vite également. Et c'est à chacun de parler au sein de sa famille, de discuter du risque, de prendre conscience du risque. C'est les risques et c'est les servitudes du métier de militaire. Donc si les gens ou la famille des gens ne sont pas prêts ou prêtes à cet engagement, eh bien ça peut pas marcher. Enfin, vous avez charge d'âme de la vôtre, celle de vos hommes, et puis les gens que vous tuez. Et en même temps, vous êtes assez loin de la mort. Enfin, je veux dire, quand vous larguez une bombe, vous ne voyez pas. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas couteau contre couteau dans la tranchée, c'est sûr. Vous appuyez sur un joystick. Alors en fait, quand on va engager une cible, on a ce qu'on appelle le pote de désignation. Donc en fait, c'est une caméra qui est braquée sur l'objectif. Donc on voit ce qui se passe. C'est une guerre contre Daesh. C'est une guerre. De toute façon, quand on va tirer des bombes sur des gens, c'est clairement une guerre. Après, ce qui anime l'équipage, en fait, c'est le devoir. C'est-à-dire quelle est la mission ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on nous demande ? Et comment on le fait derrière ? Voilà, mais tout ça, c'est l'éthique du soldat, en fait. Est-ce qu'il y a du sens à la mission ? Voilà. Et là, aujourd'hui, clairement, la mission, elle a tout son sens. Voilà. Est-ce que c'est nouveau, justement ? Disons que, pour nous, non. Mais je pense que pour la métropole, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai de plus en plus d'amis civils qui se rendent compte, qui me connaissent depuis 2008, surtout depuis que j'ai connu ma femme 2008, qui, donc, comme je vous disais, n'a rien à voir avec le milieu militaire. Donc, ses amis, en fait... Et les gens se sont vraiment rendus compte de ce que je faisais, que effectivement, je pouvais tuer des gens. Voilà, ouais. Et ça, c'est arrivé à partir du moment où les gens commençaient à s'intéresser, après les attentats de Paris, après les attentats de Nice, etc. Et bien, en fait, il y a une prise de conscience. Voilà, c'est encore une fois, c'est mon sentiment personnel, donc je pourrais pas dire, mais je suis quand même assez ancien maintenant dans l'armée pour avoir vu en fait ce switch dans la population. C'est pas vraiment un switch, en fait, c'est une prise de conscience de ce pourquoi on est là, de ce pourquoi on est fait, et que l'armée, c'est pas juste des milliards dépensés pour rien, en fait. C'était La guerre à distance sur le Charles de Gaulle, coordination Perrine Kervran, attaché d'émission Marivonne à Bolivier, mixage Éric Boisset, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien replay et podcast pour La Réunion, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Demain, dernière étape, opération Sentinelle. Et dans un instant, c'est le journal de 18h, mais tout de suite, le malheur des uns.